ni ansye papa, ansye mama, o la ou kale. Me a jan la vi, se pa yen ki sa. Pran mi lan e pi zan mi ou ki pe trahi ou ay sa patrol. Soyez à moi.